Ce super appartement derrière moi, c'est un masque de Skype. Voilà, parce que Skype me fait des misères. Il m'avait effacé mon précédent port de Saint-Goustan, etc. Bon, alors voilà, j'ai trouvé ça en dernière minute. Bonjour à toi, Rodrigue. Salut Claude, comment ça va? Eh bien, ça va bien, ça va bien. Et vous, comment vous allez? J'essaie de voir le jardin merveilleux derrière toi, Claude, mais c'est de l'autre côté, apparemment. Ah ben non, non, c'est pas ça. Ce que tu vois là, derrière moi, c'est un masque de Skype. C'est Ah, une d'accord. photo de Skype. Ça n'a rien à voir avec chez moi. Si, C'est le si, contraire du jardin merveilleux. en fait, l'avantage, c'est qu'en regardant derrière Claude, on s'aperçoit que les travaux ont commencé, qu'il y a des grandes grues déjà sur le terrain. Ouais. Bah, c'est peut-être pas tout à fait ce que tu souhaites. Hein? C'est pas ce que tu souhaites. Excellent, excellent. Voilà. Bon, sinon, ça va, toi, Philippe, tu vas bien? Ah oui, bon, il neige dehors, là, tranquillement, mais ça ne tient pas. Mais Ah, il c'est neige. une froide humidité en ce moment. Il neige, il neige. Oui. Et je vois que chez Rodrigue, est-ce qu'il neige ou pas? Il neige, il va neiger toute la semaine, donc on s'attend à 1 mètre comme ça. Ah, Mais d'accord. c'est de l'exercice pour Ah oui. avec T'as pas une avec déneigeuse? j'ai une fraiseuse, mais j'ai aussi des haies. Et quand la neige qui est un peu lourde, qui sera lourde, reste sur les haies, les branches risquent de faire comme ça, et alors avec un râteau, je dois tout enlever la neige. Alors bon, c'est comme ça. Mais ça fait du sport, c'est bien. Ouais, mais Oui, c'est ça. c'est redoutable que d'habiter en Suisse, hein. Bon, ah, Oui. Cette année, il et y a beaucoup. j'aime bien ta photo, Rodrigue, là, sur Skype. T'es très bien. T'es très beau aujourd'hui. On te voit bien. Ah, c'est sympa. Mais je vois qu'il y a un peu trop d'ombre, mais Non, non, non, c'est. non, non, non, touche à rien. C'était bien. Ah, très bien, très bien. Merci. Mais toi aussi, l'art, c'est d'avoir le moins d'ombre possible, hein, et d'être illuminé de tous les côtés. Ah, moi, c'est pas évident de mon côté parce que je suis face à la fenêtre et comme il fait très gris, sombre dehors, ça n'avance à rien. Alors, ce qui fait que je suis un peu en contre-jour. Bon. Voilà. Bon. Eh ben, on Oui. va pouvoir, après ce petit préambule, commencer nos travaux. Alors, nous t'écoutons, Philippe, parce que c'est toi qui nous a invités à travailler sur tes propos. Je sais pas. Vas-y. Oui et non, je pense que quand en fait il y avait, je vous avais dit la fois dernière que j'avais déjà écrit pas mal de choses, ne serait-ce qu'en l'année dernière, puisque maintenant c'est retour à l'année dernière, sur différentes visions qui finalement trouvent un peu d'écho dans ce que vous dites, dans ce que Rodrigue dit aussi. Bon, il y avait eu plusieurs visions de suite. Moi, cette semaine, j'ai relu ces choses-là et je me trouve très bien dedans, en tout cas, sur le fait qu'il y a une part de choses qu'on ne peut pas réaliser nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir en tout seul, il faut absolument avoir l'esprit avec nous, tout simplement. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Quand Rodrigue parlait de la porte avec un certain mystère derrière, cette porte-là, on avait déjà discuté avec Claude, avec le fronton, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre. J'en ai parlé aussi la dernière fois sur le côté végétal, sur le nombre 29. Qui peut s'écrire en différentes langues et notamment qui correspond à pas mal de choses au niveau du latin. Qu'est-ce que je peux dire en plus? J'ai pas mal réfléchi pendant ces dernières nuits, au détriment du sommeil, bien entendu. Et puis, je me suis surtout posé la question cette semaine de comment on allait mettre en œuvre la grande lessive. Et depuis, alors je vais aller, voilà, quelques réflexions là-dessus, puisque il y a, au mois d'octobre, on avait réfléchi sur le jardin suspendu, avec déjà pas mal de choses qui ont été dites, que j'ai reprises un peu dans mes notes tout au début, au chapitre 1, je crois, hein, tout simplement. Et alors, je relis un petit peu ce que j'ai repensé ces derniers temps, c'est création et expression sur le thème du jardin suspendu, qu'on avait pris le 8 octobre 2020. En fait, c'est tout un jardin qui est suspendu, pas un seul pot de fleurs ni un fraisier. Donc, il ne s'agit pas de faire des suspentes comme ça. Donc, c'est l'ensemble qui doit être suspendu. Donc, ça signifie bien que l'accroche générale est en haut. Qu'est-ce qui permet de créer un jardin et de le rendre durable, un jardin suspendu et de le rendre durable? Et c'est là que j'ai pensé à l'eau. Puisqu'en fait, l'eau de pluie, elle tombe, donc elle vient d'en haut. Mais en même temps, elle a une connotation spirituelle, cette eau, puisqu'elle a été reprise par Jésus. Hein. Qui boit de cette eau aura toujours soif, qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Voilà, c'est cette... on peut faire une image de cette première eau, mais en fait, on vise quand même la deuxième. Celle qui nous donne, qui en fait étanche la soif. J'ai repris quelques éléments que j'ai écrits déjà sur le futur PWCBBRD thème version 11. Ésaïe 58, l'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme sur les lieux arides, il redonnera la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. On voit bien que le jardin, c'est nous, hein ? Eh oui, c'est bien ça. C'est que d'un côté, on a le jardin que l'on peut toucher, l'herbe avec l'herbe et les plantes que l'on peut toucher, le terrain. Et puis de l'autre côté, on a ce jardin intérieur et qui devient de plus en plus extérieur dans la mesure où on échange sur ce thème. Donc, forcément, le jardin que j'ai dans le cœur, il est entre nous trois, pour l'instant, puisqu'on en discute. C'est ça qui est intéressant. Un peu comme cette réflexion de Jésus qui disait « Là où plusieurs sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Là, en fait, c'est le jardin qui est au milieu. Alors, pour revenir sur l'eau, là, il y a en fait des textes où l'eau est dedans, il y en a énormément, dans la Bible, comme dans le Coran, comme dans la Torah, et bon, l'eau est partout, on le voit, elle est dans toutes les religions. C'est l'image de la nécessité pour vivre, c'est l'eau. La magnificence et l'efficacité durable du jardin sont donc suspendues à l'eau arrosant d'en haut. La pluie, mais aussi l'humidité de l'air. Il y a des plantes qui vivent que d'humidité. On peut le montrer, l'expliquer, créer une animation représentative pendant la grande lessive. Symboliquement, le jardin reçoit l'eau d'en haut, et de cet arrosage naît une source qui jaillit de son sein, la source existante actuellement. Une deuxième chose qui vient d'en haut, c'est la lumière. Vers laquelle les végétaux se tournent, fabriquent leur squelette et grandissent. On peut aussi le montrer et l'expliquer, créer une animation représentative lors de la grande lessive. Alors j'ai commencé à jeter quelques idées, ça c'était encore ce matin là-dessus, c'est mettre par exemple un cadran solaire visible depuis la rue Neuve, puisque la rue Neuve toise le jardin. Et puis, je suis revenu à ces systèmes mécaniques qui démarrent sur un tout petit, par exemple, un tout petit capteur solaire qui permet la mobilisation de forces de plus en plus colossales. Petite pompe alimentant un bassin qui, une fois rempli, bascule et fait tourner une grande roue qui, par son inertie, engendrera, etc., etc. On arrive à faire des choses. Ou concevoir un petit système mécanique qui démarrant par la collecte d'eau de pluie ou les très faibles pluies, le très faible débit de la source en bas, qui petit à petit, mécaniquement, physiquement, devient de plus en plus puissant. Et puis par rapport à la grande lessive et donc avec les affichages qu'on avait prévu de faire sur la grille, je pensais ce matin, le jardin est suspendu à vos idées, vous qui êtes au-dessus de lui. Et je reviens encore à ces trois voies, penser autrement, vivre autrement et faire autrement. Trois interpellations qui, à mon avis, se doivent d'être mises en scène pour essayer de sortir de cette impasse dans laquelle on est actuellement au niveau sociétal. Voilà le point où j'en suis. Pour ne pas relire, en fait, le texte que je vous ai soumis dès le jour même ou le lendemain sur les visions. Première, deuxième et troisième vision. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de vous entendre, vous, justement, sur ces domaines-là, sur ces visions. Eh bien, voilà. À toi de jouer, Roderick. Une toute petite question préalable. Philippe, est-ce que tu penses que, en absence de nous, est-ce que le jardin doit rester à clé ou est-ce que l'objectif est de garder le jardin ouvert en permanence avec le risque d'avoir des gens amoureux, des gens qui vont utiliser le jardin pour sortir leur chien, etc., etc. Alors, à cette question, je réponds par le jardin, en fait, entre guillemets, appartient à tous ceux en fait, qui le fréquentent, c'est-à-dire ceux qui se sont intéressés au jardin, qui sont les voisins. Il y a des voisins qui se sont intéressés. Ben, ils sont là, ils passent tous les jours devant. Ils voient tout de suite ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, si c'est fermé, si c'est ouvert, s'il y a des choses qui évoluent. Et j'ai au moins deux ou trois personnes qui passent régulièrement devant et qui me tiennent au courant s'il y a quelque chose qui tout d'un coup apparaît ou quelque chose qui disparaît. Voilà. Ah, d'accord. Je te remercie. Oui, c'est-à-dire que j'en suis propriétaire, mais ça, c'est la notion de notre société, propriété, location, etc. Je ne suis propriétaire de rien. En fait, je l'ai acquis pour 1 euro symbolique. L'argent, c'est une chose, mais pour moi, je ne me sens pas propriétaire. Je peux faire jouer les droits de propriétaire si par hasard il y a un problème au niveau administratif. Mais par contre, je pense que ce jardin, c'est un jardin qu'on nous a confié, comme la terre qui nous a été confiée, et il reste à savoir ce qu'on va en faire. Et justement, c'est la grande question que se posent les écologistes actuellement. C'est, on a une seule terre, qu'est-ce qu'on est en train d'en faire ? Voilà. En tout cas, c'est avec grand plaisir que j'ai lu les chapitres, notamment 10 et 11, aussi le reste de Philippe, avec ton bel approfondissement et réflexion au sujet du numéro 29, Ish et Isha. Magnifique. Mais idem pour les intéressantes suggestions au niveau de l'affichage, une corde à linge et la source. J'ai également beaucoup apprécié d'entendre et de lire le symbolisme de la porte écrit par Claude, raconté par Claude. En tout cas, de ma part, un grand merci à vous deux. Ce sont des très belles réflexions. Mais revenons juste au niveau où nous nous trouvons actuellement. Philippe, qui connaît bien le terrain qui est le sien, aborde premièrement avec une bonne systématique, faisant le tour de tous les détails du jardin avec une belle précision, accompagné et mélangé avec ses réflexions et ses approfondissements spirituels et philosophiques. Tu souhaites aller de l'avant pour la concrétisation du jardin merveilleux à Saint-Gouston, ce qui est tout à fait normal et logique. Mais ceci demande de plus en plus d'action et le devoir d'entrer dans les détails pratiques. Ce qui est magnifique et que tu veux t'y consacrer à 100%. D'autre part, Claude, tu connais également le terrain de Philippe, y habite tout près, et tu donnes tes réflexions et tes approfondissements spirituels et philosophiques au sujet du jardin merveilleux, qui sont de très grande valeur. Elles sont magnifiques. Elles complètent celles de Philippe. Et à ce stade, Claude, tu n'es pas encore entré trop en matière au niveau de la concrétisation du jardin, mon impression, et au niveau des détails du jardin. Mais en ce qui me concerne, c'est un fait que je ne connais pas le jardin, même si les plans, les photos, ceux de Claude la dernière fois, et les descriptions en donnent une très bonne idée. Par nature, je suis un peu moins communicatif au sujet de mes réflexions et au sujet de mes approfondissements spirituels et philosophiques, aussi au sujet du jardin merveilleux, notamment puisque pour moi, ce jardin Saint-Boustan, que je ne connais pas, est encore théorique. Et ceci a comme conséquence que plus on entre dans les détails au sujet du jardin, moins que je me sens utile et impliqué, même si je vous soutiens entièrement dans vos démarches. En ce qui me concerne, je ne peux qu'intervenir de façon théorique et peu concrète. Que fais-je alors, à part du fait d'être enthousiaste par vos démarches à Auray? Je dois y réfléchir. Au sujet du jardin, deux petits points, c'est, je pars ici pas de l'approfondissement, etc., mais d'une façon très concrète. Il y a un concept qui, à mon avis, devra être fait afin qu'on puisse attirer l'attention d'un maximum de personnes. Pas sporadiquement, mais vraiment d'une façon assez éclatante, si possible, par tous ceux qui passent des deux côtés devant le jardin. Et mon souci, c'est, j'ai regardé un peu autour de moi, il y a ceux qui attirent ou qui attirent l'attention d'une façon assez concrète, étonnamment, à ce que j'ai vu ces derniers jours, c'est ici, en Suisse, c'est l'armée de salut qui fait une campagne publicitaire avec des très grandes affiches, avec seulement une toute petite phrase tout court, du style « Dieu t'aime » ou « Tu n'es jamais seul », avec dessous un tout petit texte de référence de la Bible. Je trouve que c'est très très fort. Mais naturellement, on doit être original, on ne doit pas copier, suivre les autres. Mais j'entends aussi d'autres personnes qui sont un peu, qui sont surpris, plutôt en bien, par ces affiches. Une autre chose, c'est le concept de l'église de Scientology. Pas vraiment peut-être une très bonne référence, mais une très grande efficacité, comme a dit Claude il y a quelques semaines, c'est qu'on interpelle en demandant comment tu te sens-tu, est-ce que tu es heureux, est-ce qu'il te manque pas quelque chose, et presque par définition, ces questions très concrètes aboutissent, bon, chez eux, par un test épouvantable dont on sait déjà le résultat, qui fait qu'il faut venir à l'église de Scientology, mais qui a beaucoup de succès et qui attire beaucoup de monde. Mais ce que je veux dire avec tout cela, c'est qu'il faut éviter de copier les autres, éviter de devenir, évidemment, de donner l'impression d'une secte. Et c'est extrêmement difficile de réaliser ça. Si on veut attirer un maximum de monde, si on veut attirer peu de monde avec des textes plutôt intellectuels ou autres, c'est plus facile, mais il y aura moins de monde et peut-être très peu ou même pas du tout, même si nous, on est enthousiastes. Donc, ce côté concept du jardin me travaille beaucoup et il y a beaucoup de bonnes choses dans les écrits de toi, Philippe, qui m'inspirent et qui me font beaucoup réfléchir. Mais je n'en suis pas encore vraiment sorti, d'autant plus, et je me répète, c'est que tout ça, c'est quand même assez théorique en ce moment pour moi. Enfin, c'est... voilà ce que j'en pense. Du point de vue concret, j'aurais des idées, mais je sors d'une famille assez artistique. On est beaucoup très actifs au niveau du dessin, de la peinture et tout ça. Et je pense que je pourrais contribuer d'une façon, je dirais, artistique ou esthétique ou ce genre de choses. Mais c'est très terre à terre, ce côté concept, puisque c'est très difficile, mais c'est très basique, et le but, c'est d'attirer des personnes. Voilà, en quelques mots, à ce que... Et je pense aussi à Claude qui est fort en marketing. Naturellement, c'est très terre-à-terre. Il faut y réfléchir. Mais pour attirer et en faire un succès, cet aspect, comment le faire d'une façon originale, spéciale, parce que personnellement, je n'en suis pas encore sorti. Il faut urgentement venir faire un petit saut pour déjà sentir l'atmosphère, voir comment ça se passe. Et encore, je ne sais pas si je pourrais contribuer très concrètement ici. Voilà ce qui me traverse. C'est super ce que tu nous dis là, Roderick. Parce que quand on t'écoute, on te trouve un peu coincé entre plein de réflexions, si tu veux. Et la première de ces entraves vient du fait que tu nous dis ne pas encore être rentré dans le concept du jardin merveilleux, parce qu'il est à créer en toi. Et si ça peut te rassurer, ben, tu n'es pas le seul. pour ma part, je vais te raconter une petite histoire. Cette histoire, elle remonte à il y a une petite année, lorsqu'un beau jour ou un beau soir, notre ami Philippe et son épouse Sylvie sont venus dîner à la maison et, invités par ma compagne, Michaela, eh bien, un petit peu à ma demande, parce que Michaela, elle me dit, tu sais, il va y avoir un jardin merveilleux, ça va être superbe, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça, etc., etc. Elle a tout de suite conceptualisé un jardin merveilleux, mais merveilleux à son propre niveau. Pour ma part, moi, je me réservais le droit de rencontrer Philippe et Sylvie pour me faire un peu une idée. Alors, j'ai posé la question à Philippe, qu'est-ce que c'est qu'un jardin ? Ça, on en a une petite idée, mais comment vas-tu le rendre merveilleux ? Et c'est là où j'ai vu que tout était à faire. Tout était à faire. Dans leur propre réflexion, et en fin de compte, moi je me suis pris au jeu et je me suis dit bon ben voilà, on va on va s'atteler à ça et on va voir comment le rendre merveilleux. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que, comme je le faisais remarquer tout à l'heure, que le jardin, c'était nous. Qu'il nous fallait aller à l'intérieur de nous-mêmes pour mieux comprendre ce qu'était notre jardin. Tu me disais tout à l'heure que, ouais, Claude, le jardin, il n'est pas très concret pour toi. Eh bien non, c'est vrai, il n'est pas encore très concret pour moi, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à le conceptualiser. Fort de cela, je profite de l'ouverture que nous a proposée Philippe en nous demandant de travailler sur ces chapitres 10 et 11, et je vais vous en donner un petit peu la teneur. Ça va aller assez vite, parce que j'ai pas été très très inspiré. J'ai pas été très inspiré par l'impossibilité du numéro 29. Pas très inspiré par ces chromosomes masculins-féminins qui se poursuivent vers Aïch et Aïcha. Pour moi, c'est une curiosité kabbalistique dans laquelle Ève, la femme d'Adam, n'est même pas citée. Et là, je pense que, pour reprendre le propos que nous envoyait juste avant notre réunion Philippe, je propose que, à travers cette réflexion-là, pour ma part, moi je perds le fil. Par contre, on est en droit de se poser la question, maintenant, que va penser un Kidam qui va passer devant la porte du jardin merveilleux. Comment va-t-il être sensible à cette démarche? C'est la question que tu poses il y a quelques minutes, Rodrigue. Comment va-t-il être sensible à cette démarche? Est-ce que on veut, et là on reprend un peu l'aspect marketing que tu as évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on veut du monde ou est-ce qu'on veut des élus ou est-ce qu'on veut faire du quantitatif ou est-ce qu'on veut faire de l'élitisme? Je vais revenir là-dessus parce que ça aussi c'est quelque chose qui m'interpelle. Et pour suivre notre démarche proposée par Philippe, au chapitre 11, Philippe. Allô ? Oui. Au chapitre 11, Philippe, j'ai bien aimé tes visions, qui correspondent mieux à ma sensibilité. Là, nous sommes bien dans notre préoccupation. Là, le jardin merveilleux est un temple de nouveaux types où chacun peut trouver sa place. Et je dirais même où chacun a sa place. Le tout, c'est qu'on puisse la trouver. Et je pense que c'est la problématique que l'on a à résoudre. L'homme est bien dans un chemin en élévation et il va à la rencontre de son Créateur. L'homme se marie avec la nature. C'est, pour moi, l'objectif premier de notre jardin, que l'homme puisse se marier avec la nature, que l'homme puisse aller à la rencontre de son Créateur, que la créature puisse rencontrer son Créateur. Voilà les différents plans qui devraient interpeller notre visiteur dans la mesure où on saura bien communiquer avec lui. Comment lui donner envie de pénétrer dans notre jardin? Et là, je vais, Rodrigue, poursuivre un petit peu la réflexion dont tu nous as donné quelques préambules tout à l'heure. Pour ma part, ce jardin, il n'y a pas de chiffre à faire. Ce jardin, il doit être une porte ouverte à celui qui se sent capable de la franchir. Et ce jardin, il doit avoir une porte avec un fronton qui va interpeller de façon simple le Kidam qui passe là et qui va lui donner envie de rentrer. Je pense malgré tout qu'il faudra on soit vigilant à celui qui rentre. Mais il y a un autre problème. Celui qui rentre, par qui va-t-il être accueilli ? Pas grand monde, forcément, puisque Philippe nous disait que le jardin, il est ouvert et qu'il n'y a pas forcément quelqu'un derrière la porte pour accueillir ceux qui veulent rentrer. Donc, à mon sens, il faut marcher là un peu sur la pointe des pieds. Il faut interpeller, trouver une maxime simple qui donne envie à celui-là qui en a envie, qui le souhaite de rentrer. N'oublions pas quand même, Philippe, que tu mets la barre un peu haut. Top. Lorsque tu fais l'entrée du jardin, non plus vers le haut, mais vers le bas. Parce qu'on va se heurter, je te l'ai déjà dit, mais je profite de la tribune qui m'est offerte pour le redire, on va se heurter à cette problématique de que cette porte, elle va être difficile d'accès puisqu'il y aura des voitures rangées devant. Et je pense qu'il va falloir tenir compte de cela. Et si une porte est difficile d'accès, il va falloir lui permettre de donner toutes ses chances à celui qui veut rentrer de pouvoir le faire. D'un autre côté, pour reprendre ce que disait Roderick, quant à mes réflexions concernant le marketing, ouais, j'ai beaucoup travaillé en matière de marketing dans les concepts de magasins. Pour rendre ces magasins avenants à celui qui passe dedans et devant et lui donner l'envie de rentrer. Et il y avait dans ces réflexions un premier écueil à éviter, c'était de mettre un escalier devant la porte. Parce que l'homme, naturellement, il n'est pas forcément prêt à faire des efforts. L'homme, il veut... Dans une démarche marketing, entendons-nous bien, nous sommes au ras du plancher des vaches, mais l'homme, il veut que les choses soient facilitées. Il veut se reconnaître facilement dans un élément dans lequel il est, il est appelé. Exemple, dans un magasin, prenons une grande surface, on sait très bien qu'en allant à droite, en rentrant dans la grande surface, on va tomber le plus souvent sur l'électroménager, sur des produits à forte marge. Et si on va à gauche, eh bien là, on rentre progressivement du textile à l'alimentaire, etc. Il y a donc des cheminements dans lesquels l'homme est prédestiné aujourd'hui. L'homme du 21e siècle, mais déjà celui du 20e siècle. Alors, je ne sais pas si... on peut tenir compte de ces réflexions. Je ne sais pas si on doit s'affranchir de toutes ces choses très terre-à-terre pour prendre notre quidam, le tirer en élévation, l'amener à se dépasser lui-même en montant les quelques marches qui va l'amener sur le jardin. Voilà comment je sens à aujourd'hui les choses. Et j'ai profité, tu m'en as donné la possibilité, Roderick, de faire effectivement quelques réflexions de marketing et de savoir comment nos contemporains, puisque c'est quand même à eux aussi, à qui on va s'adresser? Est-ce qu'on va en faire un peu le tri? Est-ce qu'on ouvre grand les portes et tout un chacun peut rentrer comme le proposait Philippe? Est-ce qu'on doit quand même faire attention? Est-ce qu'on doit permettre à celui qui veut rentrer eh bien, de mériter de franchir cette porte? Et j'ai entendu aussi tout à l'heure, Roderick, que tu nous as dit que tu étais dans une famille d'artistes ou de gens qui avaient un peu le pinceau ou la plume ou le crayon plus facile. Peut-être que ça serait intéressant si toi, dans l'état actuel de tes rêves, dans l'état actuel de ton imaginaire, eh bien, tu nous dessinais la porte. Qui ? Allô ? Ouais. Qui ? Une seconde. C'est bizarre, ça. Excuse-moi. Je t'en prie. Oui, si tu veux. Et si tu laissais parler ton pinceau, ton crayon, ta plume, pour nous dessiner notre porte et donner envie à celui qui va passer devant, eh bien, de rentrer. Et qui mieux que toi, puisque il semblerait que tu aies quelques facilités dans ce domaine-là, toi qui n'es pas encore, entre guillemets, j'allais dire, le mot est trop fort, mais pollué par le site. Toi, tu n'as de cesse que de me dire, le site, tu le vois tous les jours, toi. Oui, ben, je le vois tellement que je bute aussi pour rentrer sur le jardin. Mais toi, est-ce que ton rêve pourrait entraîner une projection chez celui qui passe devant les portes et lui donner envie de rentrer? Moi, je pense que c'est une idée qui me paraît intéressante. Pendant un temps, on avait évoqué l'opportunité de faire intervenir M. Simon, là, le peintre qui nous avait fait ce joli tableau qui nous faisait aller des entrailles de la terre vers un Éden formidable. Bon, est-ce que toi, tu pourrais pas être notre peintre, Rodrigue? Voilà, j'ai fini de vous enquiquiner avec mes réflexions. Tu me fais rire pour une activité aussi basique que cela par rapport aux magnifiques réflexions que toi et Philippe vous avez. Mais évidemment, tout à fait ouvert. Je pense que... Non, évidemment, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est très intéressant, j'apprécie beaucoup ceci, puisque ça touche, pas tellement la porte, mais la conceptualisation du jardin, le concept. On doit on devrait le définir. En effet, est-ce que c'est pour le grand public? Est-ce que c'est pour une petite minorité? Est-ce que c'est élitiste? Est-ce que c'est relativement ouvert? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais au Philippe, toi, tu as donné déjà beaucoup de pistes extrêmement valables. Maintenant, en faisant une synthèse de cela, c'est moins évident, mais il faudra le faire. Je dois y réfléchir. Mais c'est très intéressant. Et je trouve que quand c'est un jardin qui accueille, elle doit être accueillante au maximum, mais d'une façon très intelligente. C'est pas évident du tout de faire un concept de cela. Et mais si tu laissais travailler l'imaginaire, si ton imaginaire pouvait donner envie aux autres imaginaires qui passent devant la porte, qui passent devant devant ça. Voilà, est-ce que c'est... Je sais pas, moi je sens très bien la chose parce que c'est du vécu. Tu veux aller vers quelque chose de conceptuel. Tu as besoin d'être encore, entre guillemets, dans cette matérialité pour t'en affranchir. Est-ce que le fait de nous faire un joli tableau, le fait de d'embellir notre porte, ou la porte, peu importe. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant là-dessus? Moi, je ne sais pas. Moi, j'aurais ce talent-là. Je pense que je le mettrais en œuvre. Et avant même de te rendre sur les lieux, comme ça, tout l'imaginaire travaillerait. C'est vraiment sympa. Mais c'est disons, on peut se dire que c'est un aspect basique, mais quand on veut rayonner, il faut le faire d'une façon efficace, et c'est-à-dire qu'on doit interpeller d'une façon efficace. Ce petit côté pragmatique, je suis sûr que vous y souscrivez aussi. Mais ensuite, à définir comment, ça c'est, il faut y aller un petit pas, et peut-être la chose la plus difficile. Je vais te prendre un autre exemple dont j'ai peut-être déjà parlé. Dans ma petite expérience de communicant, ou lorsque j'ai eu pour mission de lancer le label Woolmark, ça te dit quelque chose, le label Woolmark, Rodrigue? C'est de la laine ou pas? Oui, non, il y a la laine, c'est cette pelote de laine, si tu veux. Oui, oui, je vois très bien. Donc, on s'est trouvé avec trois copains à devoir lancer ce, comment dirais-je, ce label. Bon, alors, on ne lance pas un label tous les jours. D'ailleurs, le mot label, on disait dans les années 70, ça ne voulait pas dire grand-chose, etc., etc. Donc, on a réfléchi un petit peu à savoir comment conceptualiser la laine et cette pelote de laine dans l'esprit des petits Français. Sachant que c'était un label qui se lançait à l'échelon international, mais avec trois copains, on était là, on devait lancer ça à l'échelon national. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a trouvé des moutons. On les a enfilés, entre guillemets, dans un chemin qui dessinait la pelote de laine. Tu la vois, cette pelote de laine Oui. Hein, d'accord. Eh bien, on a fait au sol un marquage avec du fil électrique et avec un rail dans lequel les moutons rentraient et occupaient toute la place de la laine, de la pelote de laine. Si tu veux. Après, il n'y avait pas de drone, on s'est mis au-dessus, mais bon, et on a fait une photo de ça. Donc, tu avais ce troupeau de moutons en forme de pelote de laine, et qui, dans un environnement volcanique, puisqu'on a fait ça en Auvergne, tout vert, des moutons tout blancs et de la verdure tout autour. Eh bien, avec ça, on a gagné le Grand Prix de l'affichage en France. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il a fallu conceptualiser quelque chose pour le rendre crédible aux yeux du quidam et que le quidam comprenne que ce logo, qui n'était qu'une étiquette, quoi, parce que c'était ça, d'autant, hein, et que cette étiquette prenne vie avec ses moutons, donc la laine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, magnifique. Voilà. Donc, pour moi, pour l'instant, quant au jardin, quant à notre jardin merveilleux, ben on en est là, à tourner, virer, à savoir un petit peu si on va à droite, si on va à gauche, si on rentre par en haut, si on rentre par en bas, etc., etc. Voilà. Donc, je pense qu'il faut laisser parler l'imaginaire avec quelques lignes directrices. Et dans lequel, puisqu'on est à aller vers l'autre, vers le quidam qui va passer, eh bien, lui donner envie de rentrer, quoi. Un peu comme notre pelote de laine avec ses moutons, eh bien, donner envie aux gens d'acheter de la laine. Parce qu'ils en avaient perdu l'envie, hein. Et ils achetaient avec des fibres synthétiques à l'époque. Oui. Hein, voilà pourquoi on était payé. Mais bon, je dirais qu'on ne faisait pas ça gratuitement non plus. Bon, alors, on n'entend plus Philippe, là, il écrit. J'écoute d'abord. Ah, et il écoute et il écrit. Je sais pas, Et je vois qu'on avance, c'est ça qui est bien. Ah, et qu'on avance ensemble. Avec les moutons. Et c'est le coup des moutons, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui est assez ancien maintenant. Et c'est vrai que maintenant, avec toutes les images virtuelles, on est assommé de possibilités complètement virtuelles et qu'on ne peut pas trouver dans la nature, et qui donnent l'impression qu'on se trouve dans un monde qui est bien triste. Et il y a peut-être ça à cultiver. C'est-à-dire en ce moment, c'est vraiment pas rigolo. C'est vrai que quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision, c'est pas rigolo du tout. Mais de là à aller à l'autre bout, qui est, on passe son temps à jouer, parce qu'en fait, il y a de la relance. Les gens qui se mobilisent actuellement, qui sont pas contents, ce sont tous ceux qui proposent du jeu. Mais est-ce que c'est ça qu'on va proposer ? Est-ce que c'est un retour à la civilisation des loisirs ? Et là, moi, je ne suis pas du tout dedans. Ce n'est pas du tout ça. Je reviens un petit peu à ce que Rodrigue disait à propos de la scientologie, hein, ou de l'armée du salut. C'est une petite phrase très courte qui interpelle. C'est suffisant. Un peu comme... Ça m'a fait penser d'ailleurs à... Je ne sais pas, vous avez sans doute vécu ça, la BNP qui avait lancé sa grosse campagne qui disait « Votre argent m'intéresse ». Pour un banquier, c'est bien ça. C'est, voilà. C'est franc. C'est un des rares moments où ils sont francs. Excuse-moi, Rodrigue, mais bon, ça vient du cœur. Et c'était bien ça, c'est-à-dire peu de mots que tout le monde peut lire, puis avec derrière, il y avait juste un visage avec un léger sourire. On se demandait si c'était un loup qui était derrière ou bien si c'était quelqu'un d'amical. C'était ça qui interpellait. C'était qu'est-ce qu'on mettait ? Votre argent m'intéresse. C'était. Comment dire ça ? C'était quand même très osé. Parce que l'argent, c'est toujours quelque chose dont on n'aime pas parler, surtout quand plus on gagne, moins on en parle. C'est ça le truc. Et par contre, de mettre un visage un peu souriant derrière, c'est même, qu'est-ce qu'il veut exactement ? L'interpellation venait de presque l'inadéquation ou l'adéquation du visage avec le texte qui était dessus. Et c'est bien dans cette optique-là qu'on est bien là. Hein, comme tu disais, Claude, on en est là avec le Jardin Merveilleux, c'est-à-dire... il va falloir attirer avec, d'une part, quelque chose qui est familier, le fait que l'homme est actuellement dans notre société un peu poussé à la paresse. Hein. C'est en gros, c'est comment gagner le plus possible en faisant le moins possible. Bon, en gros, c'est on en arrive là. Et comment consommer au maximum. Voilà, c'est ça. Oui. Ça m'amène à une réflexion, là. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à partir de maintenant ou dans une semaine, peu importe, de réfléchir sur... Moi, j'ai noté en gros, dans les notes que j'ai prises, concept. En dessous, j'ai mis tristesse. Et puis j'ai barré tristesse, donc on veut avoir un concept qui soit plutôt gay. Est-ce qu'on ne pourrait pas définir ensemble un modus vivendi qui serait notre concept sur lequel on travaillerait à travers quelques mots clés à donner envie aux gens qui passent de rentrer ? Mais d'avoir un concept, à mon sens, c'est bien d'avoir une vraie réflexion préalable. Bon. Et qui soit dans le concret, et dans lequel on se reconnaisse tous les trois, tous les quatre, tous les cinq, tous ceux qui ont envie de participer, mais d'avoir un cahier des charges, entre guillemets, sur lequel on pourrait, s'appuyer pour passer du dire au faire. Parce que c'est bien de ça dont Roderick nous parlait tout à l'heure. Hein. On doit passer du dire au faire. On doit passer du symbolisme à l'opératif. Et bien pour ça, il faut l'écrire. Avec quelques mots clés. Me semble-t-il, c'est une approche. Disons, il y a un avantage avec la formulation d'un concept, c'est que c'est extrêmement difficile, hein, il faut aussi parfois peut-être le tester, j'en sais rien, mais une fois qu'il y a le concept, on est au clair, rien n'est définitif, mais on est relativement clair, et de ce concept, on pourra déduire par exemple, la communication sous forme d'un article dans le journal local ou je ne sais pas où, de peut-être une porte d'accueil ou comment organiser le jardin. Mais le concept c'est la chose la plus difficile. Le marketing peut seulement se baser sur le concept. Mais marketing, ce n'est pas un bon mot. Mais la communication, sera beaucoup plus facilitée à partir du moment qu'il y a un concept. Tout à fait. Et je pense que il faut que le concept il soit simple et qu'on aille à l'épure. Pour aller à l'épure, eh bien, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Quelle direction on sent, quelle direction on ne sent pas, etc. etc. Je sais pas, moi je me sentirais plus à l'aise là pour réfléchir, hein, et arriver dans le concret, et dans un concret acceptable. Quelles sont les limites que l'on se fixe? Mais il faut oui. avoir quelques lignes force comme ça, sur lesquelles eh bien, on puisse passer du dire au faire. Et même si on veut expliquer aux autres, parce que tu veux faire rentrer quelqu'un qui passe devant ta porte chez toi. Bon, alors, si la porte est accueillante et qu'il est un peu curieux, il va rentrer. Mais qu'est-ce qui se passe là, une fois qu'il est rentré ? On lui offre un coup à boire, on lui donne quelque chose à lire, on l'amène devant des choses qui l'interpellent, etc., etc. Mais ça doit être préparé. Sinon, on ouvrira une porte, les gens rentreront et sortiront, mais ils n'auront rien acquis, ils n'auront rien intégré. Et combien de fois il arrive, moi je sais pas, je rebondis sur ce que Roderick disait, effectivement, moi, le marketing, j'ai eu ça tout à fait à cœur. Et parce que toute ma vie personnelle et professionnelle, ma vie professionnelle, pas personnelle, j'ai baigné là-dedans, mais j'ai passé mon temps à aller voir les magasins des autres pour savoir ce qui fonctionnait de ce qui ne fonctionnait pas. J'ai passé mon temps à rencontrer des gens qui étaient des locomotives en matière de marketing. Et j'ai des souvenirs d'hommes fabuleux parce qu'ils ont mis des concepts en avant et des concepts qui marchaient et qui fonctionnaient. Voilà. Et je pense qu'il faut que nous soyons pour l'instant, une machine à concevoir. Alors, je ne sais pas si Philippe va être tout à fait d'accord avec moi, mais bon, je le vois à son visage, comment dirais-je, faire un petit peu de grimace, mais on ne peut pas être avant d'avoir été. Et chacun a son concept en lui, et chacun va devoir, si on veut apporter quelque chose de pérenne, eh ben, il va falloir qu'on fasse marcher la boîte à idées et à fumer. Oui, c'est bien entendu. Je reviens un petit peu au, par rapport au ça, à ce que tu viens de dire, Claude, et par ces histoires de concepts. Moi, j'ai l'impression que l'on rentre, qu'on est en train de, en gros, de, on, je ne sais pas si on est en train, ou au moins on risque de se rabattre sur ce qui se fait couramment. Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout, c'est l'antithèse de ça. C'est l'antithèse de ça. Non, on ne va pas... non, en tout cas, pour ma part, la notion de concept, ce n'est pas de se rabattre sur quelque chose. Non, c'est de définir ex nihilo une formule qui va illustrer notre jardin merveilleux, qui va mettre en marche notre jardin merveilleux. Notre jardin merveilleux, c'est une pile atomique, quoi. Mais... si on oublie d'en brancher les fils, bah, ça ne marche pas. Tu comprends ? Va au-delà de l'idée, va au-delà du symbole, et je pense que c'est ça, hein, d'aller au-delà du symbole. Un élément qui serait très important, c'est l'aspect d'être absolument vrai à 200%, vrai, pur, et pas comme dans les messages de tous les côtés qu'on entend, où il y a des demi-vérités, des pièges, des mensonges tout court, et ça nous rendra aussi très vulnérables, puisque c'est la chose la plus facile à attaquer, tout ce qui est vrai, honnête et pur et tout ça. Ça, par rapport à ces concepts commerciaux qui sont là plutôt pour faire vendre ou pour d'autres raisons. Mais pour communiquer quelque chose qui est vrai, et puis d'allumer la radio, la télévision, mais c'est que du, comment dire, un langage qui détourne, piège, qui fausse la vérité, qui doit cacher la vérité. Surtout quand on regarde BFM TV, LCI, ce genre de chaîne, c'est épouvantable comme on dit des conneries là-bas. Mais bon, ça c'est une suggestion d'être extrêmement... Je sais que vous allez y adhérer aussi. Évidemment, on peut peut-être avoir des résultats meilleur en étant, en piégeant un tout petit peu. Je crois que ça, c'est pas du tout le but, n'est-ce pas ? Complètement. Oui. Et je me souviens d'une autre expérience professionnelle que j'ai vécue, que je vais vous raconter parce qu'elle est complètement dans ce que vient de dire Roderick. Chaque année, je m'occupais d'une enseigne, dans ma deuxième partie professionnelle, d'une enseigne de négociants en matériaux de construction. Et chaque année, on organisait un congrès dans lequel, eh bien, on rassemblait nos ouailles pour les amener à réfléchir. Alors, je vous garantis qu'un négociant en matériaux de construction, bah, c'est un peu comme un banquier dans sa partie, ça pèse et c'est assez lourd à promener. Et on a eu deux expériences tout à fait formidables et bien réussies. Et deux années de suite, on a fait intervenir des gens qui n'avaient rien à voir avec le négoce, en matériaux de construction, et des gens qui amenaient leur auditoire à réfléchir. Première intervention, un franciscain. Qui a amené cet auditoire de 300 ou 400 personnes, a amené cet auditoire à réfléchir du bon usage spirituel de l'argent. Et là, je vois que mon banquier, il va commencer à comprendre de quoi on veut parler. Bon, alors, il a complètement capté son auditoire, et de là, eh bien, il a métamorphosé ces gens qui avaient de l'argent, et de leur dire, voilà, à quoi ça vous sert ? Pourquoi vous levez le 1er janvier et vous couchez le 31 décembre pour faire du fric ? Et moi, j'étais payé dans mon métier pour que ces gens-là fassent du fric. Eh bien, à un moment donné, on prend les mêmes et puis on les met en face de la spiritualité de l'argent. Eh bien, on trouve des choses intéressantes. Autre rencontre. Dans un autre domaine, Edgar Morin. Vous connaissez ce sociologue ? Eh bien, on l'a fait intervenir, là aussi, dans la construction de l'habitat de l'avenir. C'est un gars qui est, comment dirais-je, qui fait œuvre d'esprit, voire de spiritualité. Et là, on l'a mis en rencontre avec toutes ces pierres brutes qui étaient ces négociants pour que les faire un petit peu se remuer et échanger. Donc, on voit très bien que lorsqu'on a des gens de qualité qui savent parler à un auditoire, qui ont réfléchi parce que ça se préparait ces entretiens-là, et qui savent donner envie à cet auditoire de se métamorphoser. Eh bien, je pense que c'est ça, notre métier de gardien de la porte de jardin merveilleux. On va l'ouvrir, mais on veut que ça apporte, on veut qu'on puisse franchir tout cela et donner envie aux gens de revenir. De venir respirer une première fois ce jardin, et puis leur donner envie de revenir. Parce que c'est ça, la clé de la réussite. Non, je ne sais pas. Voilà, mon sentiment. Bel exemple. Oui, tu vois, Philippe, comment j'entrevois mieux les choses à travers ces exemples, comment... Non, pas convaincu. Oui, si. Ce sont des choses que j'ai pratiquées aussi en faire intervenir des conférenciers, il y en a qui sont plus ou moins bons, mais il y en a qui sont très bons, qui captent les 100% de l'auditoire. C'est évident. On a fait ça au niveau aussi au niveau écologie, au niveau responsabilité, au levant des jeunes et tout ça. Quand je dis on va faire comme d'habitude, c'est un peu là-dedans. C'est-à-dire toi qui disais « oublie un peu ton passé et puis fais la rupture et regarde ton avenir », tout ce que tu me dis, en gros, je le connais déjà. C'est ça le truc. Et ce jardin merveilleux, c'est rentrer dans un inconnu. C'est pas faire du connu, c'est rentrer dans l'inconnu. Et c'est là que le concept que l'on a l'habitude, le travail sur le concept qu'on fait actuellement, au niveau de notre société, on va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, il va être sans doute un peu plus costaud, sachant que, en regardant devant, il y a quand même une grande part d'inconnus. Pour moi, en tout cas, qui regarde le jardin merveilleux, ce qui m'intéresse, c'est pas la partie connue, c'est la partie inconnue qui me motive. Et en fait, chaque fois que je réfléchis là-dessus, c'est par la surprise, les quelques secondes de vision de l'inconnu que je peux avoir sur une heure, deux heures ou trois heures la nuit. Ça me permet de dire j'ai atteint mon but. J'ai passé beaucoup de temps. Je me plonge là-dedans et puis tout d'un coup, je suis dans une espèce de somnolence, et trois heures après, tout d'un coup, hop, le réveil sonne. Et en fait, il reste une ou deux idées qui font éclat et qui restent pendant plusieurs jours de suite. au milieu d'un espèce de chaos, de magma. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui m'attire. C'est ça qui m'attire vers le jardin merveilleux. Et c'est vrai que on pourrait, en fait, faire intervenir des gens. On pourrait, y a énormément de possibilités. Beaucoup de choses ont été tentées parce que, finalement, pour mobiliser des groupes et... Mais ne prends pas, si tu veux, je pense que j'ai dû mal m'expliquer parce que ta réponse à mon propos n'est pas dans le sens que j'évoquais. D'accord. Ouais, donc, c'était pas ça. Moi, je prenais ça comme cherchant. Je reste dans l'histoire du concept parce que ça me paraît être quelque chose qui doit nous occuper. Mais lorsque tu dis « je pense ceci »,« je », etc., moi, je pense qu'il faut sortir du « je » et aller du « nous ». Comment vas-tu interpeller l'autre avec ta quête de l'inconnu dans le merveilleux ? Comment tu vas interpeller l'autre ? Parce que c'est ça. Donc, on est chacun face à nous-mêmes, hein, et quelle est notre mission pour aller à la rencontre de l'autre et de lui donner envie du merveilleux, de conquérir son propre merveilleux ? Est-ce que c'est ça ? Il y a le désir de l'autre, mais il y a aussi le désir du Seigneur. Qu'est-ce que lui souhaiterait qu'on fasse? Est-ce qu'on est un genre de relais pour lui, pour faire des choses? Est-ce que... Bon, là, on entre peut-être dans la théologie, mais en effet, on doit sortir du « je », ce qui n'est pas évident du tout. Est-ce que nous sommes des intercesseurs entre le Seigneur? C'est une bonne idée. Moi, tu vois, j'ai... par plusieurs fois, tu m'as interpellé en disant « mais il nous faut un guide ». Et moi, je t'ai répondu « non », parce que guide, quand tu traduis ça en allemand, c'est Führer. Et ça, il y en a déjà un qui a fait beaucoup de mal. Alors, c'est pas la peine de prendre ça. Mais du coup, je me suis posé la question et j'ai pensé, en fait, à la sortie du pays d'Égypte avec Moïse. Mais en fait, c'est pas Moïse qui guidait, c'était la nuée de jour et la nuée de nuit, le feu de nuit et la nuée de jour. Tout à fait. Donc c'est pas Moïse qui guidait. Et c'est ça que je voulais pas rater là-dedans. Et à partir du moment où tu suis quelque chose qui est impalpable, c'est, tu vois, l'espèce de cette nuée et ce feu, c'est un peu comme le buisson ardent qui brûle mais ne se consume pas. Il y a des choses qui sont impalpables, comme ça, et où je ne me sens pas du tout le guide. Je ne suis pas du tout le guide, mais par contre, je me sens réceptif à ce genre de choses. Ce qui fait que quand je reçois, ce n'est pas moi qui guide là-dedans, ce sont des idées qui viennent. C'est pas du jeu, ça concerne tout le monde. Ouais, mais tu te positionnes quand même en intercesseur. Oui, et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, sommes-nous des intercesseurs ? Et pourquoi pas ? Moi, je pense que dans la mesure où nous cherchons d'arrache-pied, preuve en est de notre réunion d'aujourd'hui qui nous fait quand même aborder un certain nombre de choses. Je pense que nous sommes en quelque sorte des intercesseurs, mais on cherche notre voie. Le problème, c'est qu'on n'a pas de nuée là devant nous. Et la nuée, on ne l'a pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une nuée ? Tout à l'heure, Roderick nous disait le Seigneur. Voilà, bon, alors le Seigneur, ok. Bon. Je pense que Et je reviens encore à notre schéma de concept. Sous le mot concept, j'ai noté deux mots, tristesse, que j'ai barré, et pureté, que j'ai encadré. Voilà. Est-ce qu'on pourrait chercher les mots directeurs de notre concept qui seraient notre nuée à nous et que l'on pourrait suivre? Mais il faut bien parler de... Faut bien qu'il y ait quelque chose, quoi. On a besoin, nous, humains, de nous appuyer sur quelque chose. Voilà. Et pour l'instant, pas facile. Bon, c'est une bonne proposition. Tu me rappelles le premier mot que tu avais noté? Concept, tristesse, oui. Que j'ai barré, et pureté. D'accord. Que j'ai encadré. Et pourquoi voilà. J'ai noté pureté, c'est pour aller prendre le contre-pied de toutes ces annonces qui sont éphémères, qui nous perturbent au quotidien pour nous appâter de mauvaise façon, quoi. Et il faut être au-dessus de tout ça, quoi. Il faut être pur, quoi. Il faut complètement changer notre logiciel, comme disent les communicants aujourd'hui. Changer de logiciel. Alors, on va changer de logiciel. Oui. Oui. Ben, on rejoint un peu ce que disait Roderick. Hein. L'important, c'est d'être vrai à 100%. Complètement. On est dedans. Et aussi, ce que j'avais pensé au départ, quand je disais penser autrement... Complètement. Vivre autrement et faire autrement. Ok. Mais c'est, moi, je me posais la question parce que c'est quelque chose qui me revient assez souvent. Est-ce que ce serait pas suffisant, en fait? Penser autrement, faire autrement, vivre autrement. Non, c'est pas suffisant. Pardon, excuse-moi. C'est pas suffisant de dire autrement. Si tu veux, nous sommes envahis d'autrement en ce moment. C'est nos politiques, ils veulent penser autrement. Ils veulent s'affranchir de leurs contraintes en étant autrement, en faisant autrement. Non. À mon sens, et là, ton rôle de guide peut prendre sa dimension, c'est de dire autrement, certes, mais comment ? Comment aborder les choses autrement? Et c'est peut-être ça qu'on aurait envie de trouver sur notre jardin merveilleux. Et bien voilà. Alors peut-être que là, il y a un concept tristesse barrée, pureté, autrement. Voilà, déjà, il y a quatre mots là à travailler. Et c'est vrai que le autrement, moi, quand j'ai pensé autrement, je me suis aperçu que Télérama, non, c'est pas Télérama, je crois que c'est La Vie, avait sorti un spécial Vivre autrement. Bien sûr. Je l'ai lu, et puis, en fait, c'est absolument pas merveilleux. Ouais. Mais c'est ce que je te dis, que l'autrement... C'est bien ça. L'autrement, c'est insuffisant, autrement. C'est insuffisant, oui. C'est... Bon, voilà, dis voilà, autrement, on va changer d'état. Mais pour aller où? Pour aller où? Qu'est-ce qu'on veut faire? Notre jardin, vers quoi il nous amène? Vers quoi il nous amène? Et puis, puisqu'on vient y intéresser les autres, parce que égoïstement, on aurait pu dire, voilà, on reste à 3 ou 4 dans le jardin. Là, c'était simple. Mais si on veut y intéresser les autres, il faut être prêt à les, d'une part, à les intéresser, à les interpeller dans un premier temps, à les intéresser dans un deuxième temps, et à les conserver dans un troisième temps. Leur dire, voilà, est-ce que ça te dirait de revenir pour qu'on en reparle? Ben, tu vois, dans le autrement, je regarde, j'ai les quatre mots là. Concept, tristesse barrée, pureté et autrement. Le autrement, je l'accorde bien avec le tristesse barrée et pureté. Le concept, c'est autre chose. C'est le... Je dirais la méthode. C'est le chemin. La définition. Ouais. C'est le chemin. C'est ça. Ouais, c'est... On peut prendre l'exemple du chemin. Rodrigue, où t'en es là? Je note, je réfléchis et ce sont des mots forts, hein, des mots forts. Et il y a d'autres mots qui me parlent beaucoup, comme le côté humble. Ouais. Très bien, humble. Ouais. Mais humble, humble, ça c'est un mot fort. Mais bon. Il y aura un certain moment, on a parlé de marketing, c'est rien d'autre, c'est se déplacer dans quelqu'un d'autre pour voir de quoi il a besoin, ce qu'il souhaite, pour essayer d'y répondre. Mais définir un besoin. Définir un besoin. Mais il y a la question clé, je sais déjà probablement la réponse, mais est-ce que le mot Dieu joue un rôle ou... Quand on pense naturellement à la philosophie, il y a Aristote, il y a Platon, il y a des grands philosophes. Est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est un choix qui est très pertinent comme élément clé dans cette approche? On doit y réfléchir. Mmh. Bah, moi, si tu veux, tu dis Dieu, oui. On n'est pas forcé de l'appeler Dieu, mais on peut. Je rajouterais sagesse. Tu parlais de philosophie, sagesse. Je rajouterais relier, de religarer, de la religion. C'est des beaux mots, ça. Bon, moi, je ne connaissais pas. Hein? Je ne connaissais pas le mot relié, mais relié à la religion ou pas. Non, mais relié. La religion, c'est ce qui relie. Oui. C'est ce qui relie l'homme à son créateur. Oui. N'est-ce pas, à partir du moment qu'on parle du créateur, on doit faire l'exercice très difficile, c'est de s'imaginer ce que lui souhaite que nous fassions. Individuel et groupé. Alors là. Tu deviens redoutable. Plus nous avançons, Rodrigue, plus tu deviens redoutable. Je ne sais pas s'il faut poser le problème sous cet angle-là. Mais se déplacer, se mettre à sa place. Je ne sais pas si c'est donné à nous, peut-être que oui, mais se mettre à sa place pour s'imaginer ce que lui nous demanderait, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que l'autre jour, je pensais un peu à nos talents. Il nous a donné des talents, et encore, ce n'est pas très bien défini, mais il souhaite quand même qu'on agisse. C'est ça qui est positif, et c'est ce qu'on fait en y réfléchissant ensemble déjà. C'est un premier pas, en fait. Et individuellement. C'est intéressant ce que tu viens de dire là, Rodrigue, parce que tu poses la question de savoir ce que le créateur attend de sa créature. C'est ça. D'accord. Oui. Mais si, est-ce que c'est pas la créature qui a créé le créateur? Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être prudent quand même avec tout ça, parce qu'on risque de peut-être pas être toujours très bien compris. C'est pour ça que je pense qu'il faut être prudent avec les mots là. Et plus on va être ouvert, plus on intéressera. Excuse-moi, Rodrigue, je t'écoute. Non. Je... Mais de deux choses l'une, où il y a 2000 ans, rien ne s'est passé, ou alors il s'est passé quelque chose de majeur dont on parle dans le monde entier encore maintenant, qui n'est égalé par aucun mouvement, pensée ou autre. Donc, je reviens, c'est pas la question d'une preuve, mais je reviens quand même au fait qu'il s'est passé quelque chose, ça nous interpelle, et c'est... Ou alors on dit, c'est des fables, il ne s'est au fond rien passé. Donc, c'est un petit peu la chose quand je rencontre quelqu'un qui n'y croit pas du tout en Dieu ou à quelque religion. C'est de dire, mais il s'est passé quelque chose ou est-ce que c'est rien? Et le fait qu'on en parle, qu'il y a des bibliothèques entières, que c'est reparti dans le monde et qu'on discute, c'est même qu'il y a une dimension très spéciale ici, et que ça vaut la peine de l'approfondir. Enfin, là, je reste dans des termes très généraux. Et les musulmans ne vont pas apprécier cette approche, c'est clair. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Quand on parle de 2000 ans et pas l'an 600 quand Mohammed a vécu. Et... C'est peut-être pour ça, si tu veux. Là, tu viens de toucher du doigt quelque chose qui me paraît intéressant. Si on veut interpeller, il ne faut pas, me semble-t-il, moi, en tout cas, c'est ma sensibilité, je n'engage que moi, là. Si on veut interpeller quelqu'un, ce n'est pas dans l'angle... par l'angle de la religion qui ne peut que diviser. Tu oui. viens d'en donner un exemple. Hein, alors que ce n'est pas par la religion que l'on pourra, je dirais, interpeller quelqu'un. Ça peut être un soutien, mais si tu veux le voir sous l'angle de la preuve, pour reprendre tes mots de tout à l'heure, je pense pas... ferme les gens en parlant de religion. Oui, c'est... on les enferme. On les enferme. Hein? Donc, tu enfermes les gens. Il y a deux grands thèmes qui enferment les gens, c'est la religion et la politique. Ah, tu veux fermer tout le monde, là, tu as toutes les écoutilles. Bon. Donc, à mon sens, je pense qu'il faut être plus général que la religion. Chrétienne oui. ou orthodoxe ou je pense qu'il faut aller au-delà de ça et plus on sera écuménique, plus on sera ouvert, plus on va mettre en marche, parce que moi, pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que Philippe un jour, ben voilà, il a mis en marche quelque chose chez moi qui me permet de réfléchir pour comment passer d'un jardin banal à un jardin merveilleux. Voilà. Comment... Voilà. Et donc, ça, moi, je pense que... Moi, c'est ça qui m'a mis en marche. Mais bon, chacun se met en marche comme il peut, ou comme il veut, ou comme... Hein. Mais je crois qu'il nous faut être le plus large possible. D'entrée, de toute façon, on démarre large. Quand j'ai parlé de jardin, le jardin, en fait, il existe dans toutes les religions. L'eau, elle existe dans toutes les religions. Donc, en fait, on démarre sur quelque chose qui est hyper œcuménique, qui est ouvert à tous. Et pour répondre un peu à Roderick, est-ce que le mot « Dieu » joue un rôle ? Dieu va jouer un rôle, mais ce n'est pas à nous de le faire jouer. C'est lui qui se manifestera à un moment ou à un autre. Et c'est le côté merveilleux que j'attends, moi, de ce jardin. On sait créer des beaux jardins. Hein. Je vous avais envoyé un texte, justement, là-dessus. Hein. Sans l'esprit, le jardin ne sera pas merveilleux, ni reproductible et détournable par quiconque en aura les moyens financiers. Il sera beau, agréable, magique, envoûtant, étincelant, tout ce qu'on sait faire déjà. Mais pas merveilleux. Donc il faut marcher sur un autre chemin, vers ce qu'on ne sait pas faire encore, pas être encore, pas penser encore. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse une part à une part inconnue. On fait notre part. Notre part et notre pas, en fait. Et le merveilleux, c'est quelque chose qu'on ne maîtrisera pas. Pour moi, c'est quelque chose que je ne maîtriserai pas, mais qui se manifestera, parce qu'on y aura laissé, justement, la place pour qu'il se manifeste, ce merveilleux. Manifestation. Voilà un nouveau mot. Manifestation. Bien vu. J'avoue que le mot Dieu est très lourd et très... C'est terrible, mais ça fait peur, ça réduit. Donc, en effet, il faut être très ouvert, très libre, très, très général ou peut-être même un peu indirect. En fait, on a beaucoup de moyens. Ça, c'est au moins une chose que je garde de mon ancienne vie. On a beaucoup de moyens pour montrer à quel point la création est fantastique. C'est-à-dire, il y a plein de choses que j'ai découvertes qui sont superbes et que la majorité des gens ne savent pas, ne connaissent pas. Qu'on a pu mettre en valeur de façon scientifique, par exemple l'observation, rien qu'en amenant les personnes à s'arrêter à un moment devant quelque chose. Et rien que ça, et c'est peut-être ça la clé de l'entrée dans ce jardin, c'est-à-dire on entre avec l'intention de s'arrêter quelque part. On ne sait pas où, mais on sait qu'on va s'arrêter. Très beau. Oui. Et on va être interpellé par... Alors moi j'ai été interpellé par exemple à un moment, entre deux cours, par un buisson qui contenait une toile d'araignée qui était blanchi par le givre. C'était superbe. C'était un truc qui était superbe. Je suis resté en extase devant ça, mais bon sang. On ne sait pas faire, nous. C'est un truc qu'on ne sait pas faire. Et il y a des endroits comme ça, un peu comme ce que j'avais montré aussi sur une photo. Avec mon ancienne voiture, avec Sylvie, on était venus à Auray. Et il y a une nuit, on a eu du givre sur le pare-brise qui a créé en fait des formes géométriques. Moi, je ne savais pas. Je ne savais absolument pas que ça pouvait se créer de façon ex nihilo, ce genre de choses. Des trucs, mais pour créer ça, il me faudrait une table à dessin et 3 jours. Et là, en une nuit, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'était super beau. Une chose que j'aurais jamais pu. Alors maintenant, on y arrive. Avec des algorithmes sur ordinateur, on arrive à faire des trucs que... Mais en fait, la nature est faite avec tellement de choses surprenantes que, à mon avis, ce jardin, il peut en montrer au moins quelques-unes. Et le reste, et là, je le dis directement, c'est Dieu qui fera. Voilà. C'est-à-dire, il y a des choses que l'on sait, on fait le pas, le reste, eh ben, il viendra. Il viendra, ne serait-ce que par les gens qui viendront en disant « Ah, mais moi, je viendrai. Je verrai bien un truc comme ça ici. » En fait, c'est à partir du moment où on a touché l'imaginaire et de nouvelles perspectives que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Le grain est tombé dans la terre meuble et a germé. Et tout d'un coup, c'est une nouvelle plante qui sort. C'est ça que j'attends. Je ne sais pas quelle plante il va sortir de là. Mais par contre, on s'aime. C'est presque avec les deux façons d'écrire. On n'a pas besoin de s'en occuper. Voilà. On s'aime d'un côté et puis on s'aime S-A-I-M-E. Ça se dit de deux façons. On a quelques richesses comme ça dans la langue française. Entre semer et s'aimer. Excellent. Alors, est-ce que tu as noté tous ces mots-là? Parce que amour, manifestation, dépassement, voilà, c'est les derniers mots que j'ai notés. Amour, manifestation, dépassement. Qui se rajoute à humilité. Humilité. Sagesse. Sagesse, pureté, tristesse. Autrement. Oui. Voilà, voilà, voilà déjà une bonne, de bonnes réflexions là. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ce sont les premiers mots-clés du concept. Ben justement, c'est ça qui est à réfléchir. Le point de départ. On a déjà des mots sur lesquels on va pouvoir se pencher, les mettre les uns à côté des autres, et puis voir. Moi, de toute façon, ça ne m'empêche pas au niveau du jardin, de continuer d'avancer, parce que autant là, on réfléchit un peu sur le fond, autant j'ai d'autres personnes qui, en fait, sont outils en main et veulent agir sur place. Alors, moi, je propose que l'on... il me semble que l'idée de ces mots est venue de Claude. Alors, Claude, tu emportes la responsabilité. L'idée, elle n'est pas venue de Claude. Elle est venue de Roderick et de son concept. Il a mis un concept, et moi, derrière le concept, effectivement, on annonce quelques mots. Voilà. D'accord. Mais j'assume toute la responsabilité qu'il faut, hein. C'est pas grave. Bon, mais par contre, il faudra savoir ce qu'on en fait. Ça me paraît... C'est ça qui compte, oui. D'accord. Bon, moi, je les ai mis dans ce que j'ai écrit, je les ai mis en train. Et Roderick, et ton dessin, là, tu le vois, là? Moi, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose, parce que ça serait pour toi quelque chose de formidable. Et puis pour nous aussi. Parce que si tu as ce talent-là, je dis dessin, peinture, vision quelconque, mais ça serait bien ça, parce que ça donnerait un sens supplémentaire à ta démarche. Et en plus de ça, Roderick, on te met une date échéance qui est la grande lessive. Comme ça, ton tableau, on pourra le suspendre. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est-à-dire que c'est vrai que tu... moi, je sais que j'ai à la cave, j'ai deux pains de terre à modeler. Et à chaque fois, je me dis, il faut absolument que je m'y mette, parce que ce jardin, je veux le triturer. Je veux le pétrir, ce truc-là. Il faut qu'il arrive à sortir un peu comme le boulanger avec son pétrin, là. Bon. En matière justement d'artiste, j'ai pris contact avec Jean-Marc Simon. Claude. Ça, c'est bien. Ça, c'est voilà. Bien. Et donc, je vais probablement le rencontrer quand je vais venir la semaine prochaine. D'accord. Voilà. J'ai relancé aussi la mairie pour savoir s'ils veulent vraiment faire quelque chose ou bien s'ils font exprès de faire les sourds. On peut s'en passer, mais ils sont au courant. C'est juste le silence qui me gêne. Qu'ils disent oui ou qu'ils disent non. Mais oui à quoi? Et voilà. Ben oui à une collaboration à la conception. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés. Oui, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose là et on veut bien participer à quelque chose comme ça. Je crois qu'il faut causer avec eux. Il faut échanger verbalement, il faut les rencontrer. Regarde le mal que nous avons déjà entre nous trois, et on commence un petit peu à se connaître maintenant, et imagine une entité administrative qui plus est, qui se retrouve face à un hulu-berlu qui veut faire un jardin merveilleux à Saint-Goustan, ils ne sont pas du tout prêts à ça, quoi. Mais par contre, si tu les rencontres et que tu échanges avec eux, et ça me paraît pertinent. Demande à les voir. C'est ce que j'ai fait. J'ai redemandé pour la énième fois à les voir. Voilà. Et bon, ben, j'espère, hein, parce que je voudrais aussi qu'eux parlent, qu'ils puissent dire, ben, écoutez, dans ce secteur, voici l'ambiance, les envies qu'il peut y avoir, le curé, enfin bref, il y a des choses quoi, qui sont au courant, dont je ne le suis pas forcément. Mais c'est important de faire parler aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais tu as le fait, si tu veux, qu'à aujourd'hui, je pense que les municipalités, et celle d'Auray en particulier, ont des tas de problèmes à résoudre, auxquels ils ne sont pas du tout préparés, si tu veux. Et pour l'instant, de ce que j'observe là, tu vois les conseillers municipaux intervenir dans la presse pour dire « moi je sais faire ci, moi je sais faire ça », etc. Ils sont dans leur personnalité à eux. Ils ne sont pas encore dans la ville en disant « voilà, pour la ville, je voudrais faire ça ». Tu comprends ? Ils ne se sont pas affranchis encore de ça. Quoi. Puis il faut se mettre aussi à leur place, c'est tellement compliqué, tellement compliqué. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est ça. C'est et alors, bien. Si jamais ça marche fort, le jardin merveilleux, ils seront les premiers à s'emparer du dossier. Mais bien sûr. Ça, c'est... Mais... Avec les politiciens, fou. Mais de là qu'ils peuvent pas, ils peuvent s'emparer de ça, hein, un peu comme je disais, et n'importe qui a beaucoup de sous, il peut créer un très très beau jardin, mais il ne sera jamais merveilleux. Donc ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et en plus de ça, c'est un peu pour ça aussi que je suis passé propriétaire pour 1 euro, mais propriétaire quand même. C'est quand même chez moi. Alors que précédemment, dans d'autres projets, c'était le domaine public. Donc ça a été très facile pour le domaine public de remettre la main dessus, quoi, sur les projets que j'avais fait dessus. Ça a été récupéré. Donc là, ils ne peuvent pas. Là, de ce côté-là, on est un peu protégé. Il pourrait te demander des choses ou te donner des possibilités. Et il faut toujours savoir qu'en échange, ils vont peut-être s'attendre à je ne sais pas quoi. Un soutien. Oui, c'est ça. Bon, enfin, on connaît. On est toujours dans une société de marché, c'est sûr. Oui, comme au souk. Oui, mais moi, quand je parlais de l'année de la Terre, justement, l'année de champ de la Terre, voilà. Et je commence, en fait, la semaine prochaine par deux domaines qui sont complètement hors administration et fisc. Ce sont les parois verticales, qui ne sont pas du tout fiscalisées. Et puis, je parlais du fameux 29, justement, où on est un peu, on est aussi en porte-à-faux. Ça, ce sont des choses qui m'interpellent parce que justement, on est dans un total inconnu. On voit les choses, mais quand tu regardes les parois, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour que ces parois rocheuses puissent en fait rayonner ? Et non pas qu'on les oublie, que ça soit en fait uniquement des parois le long desquelles on stationne avec des voitures. Oui. C'est un peu en cela que quand Claude disait « Oui, mais ton problème, ça va être devant la porte en bas, ça va être les voitures. » Non, parce qu'en fait, le problème, on le prend justement dans l'autre sens. C'est-à-dire que il va devenir tellement incongru qu'il y ait encore des voitures à cet endroit-là qu'on peut envisager la porte. C'est dans l'autre sens. Alors, rends-le incongru. Ça peut faire partie d'un cahier des charges. Rendre l'espace incongru pour que les voitures ne se rangent pas devant. Ça me paraît pertinent, mais compliqué. Compliqué, mais intéressant. Mais rends-les incongru. On peut faire beaucoup de choses avec une boîte à peinture jaune ou un écriteau pour libérer un peu de place. Hein. Mais, oui. Il est très subversif. On se voit quand la fois prochaine. Ben, moi, si tu veux, j'aimerais bien te voir la semaine prochaine, déjà. Ah oui ? On peut se fixer un rendez-vous. Alors, pour être très franc avec toi, comme nous ne voyons personne, Michaela et moi, eh bien, on ne te recevra pas chez nous. Mais on peut très bien, à l'air libre, se retrouver, convenir même d'un rendez-vous. De toute façon, un rendez-vous peut être pris très facilement par téléphone. Mais voilà. Oui, ouais. Hein? Pas de problème. Moi, de toute façon, j'ai un... Bah, de toute façon, vous le savez, hein, moi, j'ai déjà eu le Covid. Alors, je sais bien qu'il y a plein d'incertitudes sur les variants, sur le fait qu'on peut avoir travaillé deux fois, alors on peut l'attraper plusieurs fois, enfin bref. Tout est bon pour continuer à faire peur. Ceci étant, j'ai conscience que je trimballe beaucoup moins de saloperies maintenant que quand je ne l'avais pas. D'accord. Est-ce que tu as des rendez-vous prévus sur ton terrain ? J'attends juste un retour de Jean-Simon, justement. Je lui ai proposé mardi matin. D'accord. Je l'ai proposé mardi matin. Maintenant, je suis prêt à prendre parce que c'est lui qui doit venir. Moi, je suis sans voiture, donc de Baden, et c'est lui qui doit venir me voir. D'accord. Et en plus de ça, on ne peut même pas aller dans un resto. Tout est fermé. Oui. Tu ne peux rien faire, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est bien qu'il vienne sur place. C'est ça. Parce que en voyant les choses, ça pourra être plus inspirant. Bon, alors, tu sais ce que je te propose. Moi, la semaine prochaine, mardi après-midi, le 20. Si tu veux, j'ai plein d'engagements, moi, déjà depuis un grand moment. L'après-midi. C'est ça. Non, mais l'après-midi. J'ai des engagements l'après-midi. Et le matin, je suis guère opérationnel. Toi, avant tu es... 11 heures. Hein ? Avant 11 heures. Tu es guère opérationnel avant 11 heures. Exactement. Mais le week-end, on peut très bien se voir le week-end. J'ai aucun engagement le week-end. Alors, tu sais ce que je te propose ? Je te téléphone, hein ? Oui. Et puis, on convient d'un rendez-vous comme ça, en fonction de la météo, de ci, de ça, hein ? Ouais. Moi, j'y suis, de toute façon, j'ai pris le week-end maintenant. Je sais que ça n'a pas fait trop plaisir à Sylvie que je ne revienne pas avant le week-end, mais je ne rencontre pas les mêmes personnes pendant la semaine et pendant le week-end. Surtout quand les journées sont courtes, comme ça, en janvier, il fait noir quand je pars et les gens rentrent alors qu'il fait noir. Donc, le soir, j'ai du mal à les voir. D'accord. Ok. Quand est-ce que tu vas rentrer, Philippe ? Pardon ? Il va rentrer le 25. Ah, le 25. Je retourne à Strasbourg le 25. Je viens à Auray le 18. J'arrive au milieu de la journée. Bon, je suis reçu par Christiane, qui est aussi une personne d'un certain âge, mais qui, elle, ne craint pas. Alors, je ne sais pas si elle l'a eu ou si elle ne l'a pas eu, mais en tout cas, elle est très à l'aise vis-à-vis du Covid. D'accord. Bon. Voilà. Et quand est-ce qu'on se retrouve quand est-ce... Alors voilà. Quand est-ce la dernière semaine de janvier. Dernière semaine de janvier, ouais. Alors, le 28, j'ai un rendez-vous l'après-midi. Est-ce que le 26, ça pourrait te convenir ou est-ce que c'est un peu tôt, Philippe ? Dès le 26 ? Ouais. Pourquoi pas, oui. De toute façon, le 26, les journées, Sylvie travaille, donc... 26-15 heures. Est-ce que ça t'irait 26-15 heures, Roderick ? 26, il me semble que oui. D'accord. Bon, alors voilà. Nous avons pris notre futur rendez-vous le 26. Impeccable. C'est parti. Ok. C'est super. Eh bien, je pense qu'on a bien avancé aujourd'hui. On a bien avancé parce que on passe de l'opératif spéculatif à l'opératif et on commence à échafauder cette idée de concept dans un esprit d'aller vers l'autre. Oui, c'est ça. Hein, dans un esprit d'aller vers l'autre. Bon, alors comment ? Eh ben, c'est peut-être Alors, est-ce qu'on peut, pour le 26, continuer de travailler sur ce concept? On peut y réfléchir chacun de notre côté, et puis on vous fait un petit partage de ce concept-là. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Philippe? Sur le concept avec les mots clés qu'on a arrêtés là. Oui, et puis peut-être d'autres. Ou peut-être travailler plus conceptuellement possible aussi. Ça peut être dans un esprit d'aller vers l'autre. Hein? Oui. Moi, ça me... Voilà. 26. Ouais, du concept, hein. L'esprit d'aller vers l'autre. Hop. Ça serait bien, ça, hein? Ouais. Bon, et puis, dans l'intervalle, notre Philippe, il sera revenu avec plein de ses collines, de ses falaises abruptes, dans lesquelles il aura planté plein de pitons pour s'accrocher et s'encorder et nous tirer vers le haut. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, je devais venir normalement c'était en décembre, pour apporter une grande échelle et tout ça, et en fait, j'ai pas pu venir, puisqu'on était confinés et tout ça, donc j'étais coincé. Ce que j'ai sur place, c'est pas une échelle, ce sont des cordes de rappel avec des baudriers, bon, et des trucs comme ça. Ça va. J'ai travaillé là-dessus. Ça va. Il y a une chose que je t'invite à réfléchir, Philippe, c'est que... je ne sais pas quel sera l'état sanitaire de la France à ce moment-là, et que tu es toujours une position de repli, hein, parce que c'est pas gagné. Hein. Non. Ceci étant, au pire, on avait le droit de se promener jusqu'à 1 km autour de l'endroit où on était, donc si je suis au centre d'Auray, je pourrais venir au jardin quand même. C'est seulement pour venir au jardin, pour venir à Auray, que peut-être il peut y avoir un problème. On verra. Ou en repartir. Ah, ou en repartir. Ouais. Écoute, on ne va pas s'empêcher. Moi, je ne m'empêche plus la vie. Hein. Alors, T'as raison. Allez, eh ben, tous les deux, je vous remercie. On a passé un bon moment, là. Hein. Merci, Claude. Et ben, c'est moi qui te remercie, Rodrigue, parce que tu vois que le concept, il va mûrir. Oui. Merci, Philippe. Et puis, plaisir de te retourner, de te retrouver les pieds sur le jardin. Formidable. Ouais. Salut. Peut-être d'ailleurs que je pourrais faire une liaison avec Rodrigue, la semaine où je suis sur place. Si tu veux avoir, je peux vous envoyer quelques photos de choses que je suis en train de faire ou d'en discuter. Hein, c'est tout à fait faisable. Ah ouais, c'est bien ça. Je n'arrive pas à passer. En fait, 15 heures pour moi, c'est un peu tôt sur place parce qu'il fait encore jour. Donc, je peux être encore au jardin. Par contre, c'est vrai qu'à 17 heures, c'est très sombre. Donc, là, on peut tout envisager à partir du studio où je serai. Quoi. Ah ouais. Excellent. Allez. Voilà. C'est super. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ouais.